patte de Monsieur Eddy, le petit son d'harmonica qui nous rappelle quand même la bonne époque de la dernière séance, les westerns du 20h sur FR3 à l'époque. Et Monsieur Eddy, toujours avec son air qui va bien, l'esprit Grande Prairie avec son duo de Pascal Obispo. Et c'est vrai que vos oreilles n'ont pas pris de rides, non du tout. C'est pour ça qu'on vous propose le meilleur des années 80 à nos jours sur Maxi France, avec bien évidemment vos tubes de toujours. Bon après-midi avec la chanson française et tout de suite pour la fin du monde, vu comme ça positivement par Philippine et Théo pour la fin du monde. Oui, pourquoi pas, écoutez, on peut le prendre sur cette terre-là. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.